De mon côté jamaïcain, roule un gros joint de bœuf, voir si la magie agit bien. D'abord sénégalais, bon, franco, parisien. Donc négro stressé, on bouge, vas-y viens. Défoncer la France entière, c'est mon côté marocain. Cholet, cholet, foulek, chaoui, mon côté algérien. Puis quand je parle en chantant, c'est mon côté tunisien. Claque dans les sables, mon côté zaïrois. C'est les soucis, pas vu, pas pris. La délinquance n'a que cette règle. Capuché, écharpe sur le nez, c'est mon côté touareg. Scrédit et fou de riz, c'est le côté noachide. Ici on déclare le zinc ou mort, c'est du gâchis. Le sang froid même quand ça chauffe, c'est mon côté canadien. Zen devant la propos, c'est mon côté tibétain. Avec rien je fais un terrain, c'est mon côté brésilien. Pirate avec le sens du rythme, mon côté caribéen. On donne un haut destiné, ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. On donne un haut destiné, ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. À la demande de mon côté italien, je te fais payer ce que tu dois. On sait très bien qu'il y a rien sans rien. Les massacres à la tronçonneuse, c'est mon côté cubain. Un peu comme Scarface dans la scène de la salle de bain. La soif de vivre, c'est mon côté éthiopien. Et la fin du gain, c'est mon côté somalien. La festive boulant, c'est mon côté ivoirien. Je veux conserver mon terrain, c'est mon côté palestinien. J'ai trop de fierté, c'est mon côté kabyle. J'aime trop la plage, ça c'est mon côté Maldives. Un peu costaud, c'est mon côté culture. J'ai un côté roumain, donc je sais que la vie est dure. Un peu corse, je vais sauter mon public. J'ai un côté malien, un peu plein but, ma république. Un peu froid, c'est mon délire, pays de l'Est. Comme les haïtiens, j'aime les machettes, donc faut pas test. On donne un haut destiné, ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes, c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. On donne un haut destiné, ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes, c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. C'est pas une pensée qui s'échappe, hein. Universel dans l'armée, pur soldat conscient qui frappe. L'escadrille, génération plurielle. À part drapeau, celui de soldat universel. Tel demain. C'est pas une pensée qui s'échappe, hein. Universel dans l'armée, pur soldat conscient qui frappe. L'escadrille, génération plurielle. À part drapeau, celui de soldat universel. Hey. Oye, oye, mes soldats, donnez-moi un peu de vous. Des dantons au Portugal, la France est tous en nous. 13 et 16, à deux nous sommes une centaine. Tremblez qu'on fasse appel à la richesse universelle. Le pouvoir ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. On donne un haut de style et ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. On donne un haut de style et ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. On donne un haut de style et ça reste universel. Quand on parle de nos vies dans nos lyrics, c'est universel. Dans nos têtes c'est guérilla, les soldats universels. L'époque sera près de nous, une génération plurielle. Oh, oh, oh, oh, oh. Allez, génération plurielle. On est trop, oh, oh, oh.